Page arrachée à Primo Levi, une émission de Jan Kolnikov. Noi non sapevamo praticamente nulla. Avevamo visto alla stazione di Fossoli il cartello con la destinazione sui vagoni, con sopra scarabocchiato Auschwitz. Ma non sapevamo dove fosse, abbiamo creduto che fosse Austerlitz. Cette année, nous célébrons le 75e anniversaire de la naissance de l'écrivain italien Primo Levi. Né en 1919 dans la maison familiale de Turin, il y a vécu jusqu'à sa mort en 1987. L'unique rupture dans sa vie modeste de chimiste, la déportation à Auschwitz à l'âge de 25 ans. Primo Levi a éprouvé le besoin de témoigner de cette expérience qui marqua sa vie et son œuvre. Si c'est un homme, son premier livre a été écrit peu de temps après sa libération des camps, mais publié bien plus tard faute de lecteurs réceptifs. Poèmes, nouvelles, romans, essais, Primo Levi a façonné patiemment son œuvre en dehors des heures de sa journée de travail et loin des cercles littéraires. Au cours des 5 émissions que nous consacrons à l'auteur cette semaine, nous accueillerons lecteurs et amis de Primo Levi, qui partageront avec nous leur attachement à cette œuvre émouvante et singulière. Aujourd'hui, Jean Samuel, ami de Primo Levi depuis leur déportation à Auschwitz. Si c'est un homme est aussi son histoire. Dans Si c'est un homme, il y a un passage sur le lavage, se laver, qui vous a particulièrement frappé, je crois. Oui, je pense que... Vous savez, c'est important. On va lire le passage qui est dans le livre, mais je pense que c'était très difficile de se laver parce que les conditions dans lesquelles on se lavait étaient extrêmement pénibles. Il y avait presque pas d'eau. L'eau était froide, évidemment, quand il y en avait. Il n'y avait pas beaucoup de robinets. Ça se passait le matin, souvent dans le froid. Il fallait se déshabiller. Et surtout, il fallait faire en sorte qu'on ne vous vole pas vos affaires. Parce que, donc, on coinçait la veste, la chemise, le récipient où on prenait la soupe, tout ça entre les genoux. Et il fallait se laver sans savon, évidemment, simplement à l'eau, dans des conditions périlleuses. Il fait donc une volonté de faire, pour le faire tous les jours. Mais c'était probablement une des formes les plus importantes de lutte contre la déshumanisation. Le fait de se laver, c'était pas un problème hygiénique. On aurait très bien pu, dans la crasse où on vivait, ça ne changeait pas grand-chose. Mais c'était un moment où il fallait faire effort sur soi-même et il fallait garder des réflexes qu'on voulait nous enlever en nous égalisant et en nous faisant perdre toute dignité humaine. Je crois que c'était la chose la plus importante. C'est ce dont parle Primo dans ce petit passage. Ici, se laver tous les jours dans l'eau trouble d'un lavabo immonde est une opération pratiquement inutile du point de vue de l'hygiène et de la santé, mais extrêmement importante comme symptôme d'un reste de vitalité et nécessaire comme instrument de survie morale. Je dois l'avouer, au bout d'une semaine de captivité, le sens de la propreté m'a complètement abandonné. Me voilà traînant les pieds en direction des robinets lorsque je tombe sur l'ami Steinlauf, torse nu, occupé à frotter son cou et ses épaules de quinquagénaire, sans grand résultat. Il n'a pas de savon, mais avec une extrême énergie. Steinlauf m'aperçoit, me dit bonjour, et de but en blanc me demande sévèrement pourquoi je ne me lave pas. Et pourquoi devrais-je me laver? Est-ce que par hasard je m'en trouverais mieux? Est-ce que je plairais davantage à quelqu'un? Est-ce que je vivrais un jour une heure de plus? Mais pas du tout, je vivrais même moins longtemps, puisque se laver représente un effort, une dépense inutile de chaleur et d'énergie. Est-ce que par hasard, Steinlauf aurait oublié qu'au bout d'une demi-heure passe à décharger des sacs de charbon, il n'y aura plus aucune différence entre lui et moi? Plus j'y pense, et plus je me dis que se laver la figure dans des conditions pareilles est une activité absurde, sinon frivole. Une habitude machinale ou pis encore, la lugubre répétition d'un rite révolu. Nous mourrons tous, nous allons tous mourir bientôt. S'il me reste 10 minutes entre le lever et le travail, j'ai mieux à faire. Je veux rentrer en moi-même, faire le point, ou regarder le ciel et me dire que je le vois peut-être pour la dernière fois. Ou même, simplement, me laisser vivre, m'accorder le luxe d'un minuscule moment de loisir. Mais Steinlauf me rabroue. Je ne me souviens plus aujourd'hui, et je le regrette. Des mots clairs et directs de Steinlauf, l'ex-sergent de l'armée austro-hongroise, croix de fer de la guerre de 14-18. Je le regrette. Mais le sens de ces paroles, je l'ai retenu pour toujours. C'est justement, disait-il, parce que le lager est une monstrueuse machine à fabriquer des bêtes, que nous ne devons pas devenir des bêtes. Puisque même ici, il est possible de survivre, nous devons vouloir survivre pour raconter, pour témoigner. Et pour vivre, il est important de sauver au moins l'ossature, la charpente, la forme de civilisation. Nous sommes des esclaves, certes, privés de tout droit, en butte à toutes les humiliations, voués à une mort presque certaine. Mais il nous reste encore une ressource et nous devons la défendre avec acharnement parce que c'est la dernière. Refuser notre consentement. Aussi, est-ce pour nous un devoir envers nous-mêmes que de nous laver le visage sans savon dans de l'eau sale et de nous essuyer avec notre veste. Un devoir de cirer nos chaussures, non certes parce que c'est écrit dans le règlement, mais par dignité, par propreté. Un devoir enfin de nous tenir droits et de ne pas traîner nos sabots, non pas pour rendre hommage à la discipline prussienne, pour rester vivant et pour ne pas commencer à mourir. Me ricordo benissimo, ricordo molto. Eravamo 45 persone in un vagone molto piccolo. C'era appena appena lo spazio per sedersi tutti, ma non si poteva stare tutti sdraiati. C'era una giovane madre che allattava un bambino. E a noi avevano detto di portarci viveri. Stupidamente non abbiamo portato acqua. Non abbiamo pensato, o poca acqua. Nessuno ce l'aveva detto. Est-ce que vous vous souvenez quel genre d'homme c'était? Quel était votre souvenir, déjà vos premières impressions de l'homme, Primo Levi à l'époque? Bon, c'est un homme très doux. Très très doux, très gentil, très, très simple. Et il avait ce talent vraiment extraordinaire, peut-être pas seulement le talent, mais il avait sûrement à l'époque déjà l'intention, s'il en échappait, d'être un témoin fidèle. Donc un homme très doux. Très doux. Une curiosité, une mémoire, un intérêt pour les autres. Oui, surtout la certitude de vouloir témoigner un jour s'il s'en sortait. Vous en avez parlé de ça? Oui. Oh, il m'avait parlé d'autre chose, peut-être qui est plus étonnante, c'est que le jour où, en comme ça, on se promenait un jour, je me rappelle très très bien, mais lui, ça ne me rappelle plus non plus de cette histoire, il m'a dit, c'était au mois d'août, juillet, août 44, il m'a dit qu'il avait toujours envisagé d'écrire un roman sur l'atome de carbone. Donc moi, je rigole quelquefois quand je dis qu'il est de, quand on dit qu'il est devenu un grand bonhomme dans la littérature parce qu'il a été à Auschwitz. Moi, je crois qu'il serait devenu de toute façon, pas sûrement peut-être moins bon, au moins pas le même, sûrement, mais. Et il avait, je crois qu'il avait ça dans le sang qu'il voulait écrire. Et alors ce roman, mais ça devait être un roman beaucoup plus complexe, n'est-ce pas? Ça s'est donné le dernier chapitre du système périodique. Le souvenir de notre première, on se voyait tous les jours, mais enfin on se parlait pas tous les jours parce que d'abord, c'était défendu. Quand on se parlait au travail, on risquait des punitions qui pouvaient aller très loin. Et ensuite, on n'a pas la même vision des choses, curieusement. La première fois que je l'ai vraiment vu, où j'ai parlé longuement avec lui, c'était un jour de bombardement. Ça devait être mai-juin, 1944. Les Américains sont venus plusieurs fois bombarder l'usine dès qu'elle était prête à fonctionner, l'usine de caoutchouc synthétique qui appartenait à l'IG Farm, comme vous savez, Farm-IG plus exactement, et qui donc a. Et dont nous étions les employés, pour lesquels les Allemands payaient tous les jours, les ligués aux SS, une somme de, je crois, 6 marques ou quelque chose qui devait largement nous faire manger. Bon, ça c'est un à côté. Et donc, nous n'avions évidemment pas le droit d'aller dans les souterrains, dans les bunkers, on est resté dehors, on était sur le chantier. Et Primo s'en rappelle moins bien que moi, et pour moi c'est resté un souvenir extraordinaire, parce que on s'était mis à l'abri sous une espèce de petite baraque qui traînait par là, tous les deux. Et alors c'était un moment, bon d'abord, pour moi l'image qui me reste c'est le soleil, c'est une journée de printemps extraordinaire, claire, etc. La deuxième chose, c'est qu'on était absolument seuls. Donc, il n'y avait ni SS, ni Meister allemand, ni Capot, personne. Et on a pu parler pendant tout le temps de ce contact prolongé, dans cette chose dont on ne parle pas très souvent au camp. Quelle langue vous utilisez ? Français, il parlait merveilleusement bien le français. Merveilleusement bien. Moi, pas un mot d'italien. Et donc, on a parlé de la famille, de nos études, de nos mères, de nos... Et c'était doublement extraordinaire, parce que c'est le sujet qu'on abordait rarement au camp, parce que ça ouvrait des brèches et c'était trop douloureux. Et il fallait vraiment des situations et des gens, et ça c'était probablement une des grandes de ces talents qui connaît, de savoir écouter et faire parler les gens, mais sans leur donner l'impression de... Mais c'était tout à fait ouvert, je veux dire, ce n'était pas un interrogatoire, rien du tout, c'était une conversation entre deux. Et c'est un moment qu'on n'a jamais retrouvé après, jamais pu. C'est des moments extraordinaires. Mais lui, ça ne rappelle pas tellement. Et moi, je me rappelle beaucoup moins de l'épisode aussi de l'Ulysse, qui l'a beaucoup plus marqué lui que moi. C'est comme ça, je pense. Vous vous souvenez par contre de cette période d'Ulysse, le chapitre Ulysse dans Si c'est un homme. Mais je ne l'ai pas vécu avec la même émotion que lui, d'abord, parce que j'étais abasourdi qu'on puisse après. Il avait 24 ans, donc c'était peut-être 7-8 ans avant qu'il avait étudié ça en classe, qu'on puisse se rappeler des vers de Dante, et combien, alors il cherchait, et d'abord c'était une satisfaction pour lui de les retrouver, et ensuite pour les expliquer, c'était pas évident, et puis je crois que surtout pour lui, le moment et l'endroit, et les circonstances dans lesquelles il retrouvait Dante lui ont donné une lecture vraiment différente de celle qu'il avait. Moi, je n'étais pas capable de le suivre sur ce terrain-là. Où est-ce que vous voulez commencer ? Là, c'est le chapitre vraiment qui est le vôtre, on peut dire. C'est c'est un homme, ça s'appelle donc le chant d'Ulysse. Et c'est le passage où Primo veut vous apprendre Dante. Voilà. Vous êtes en train de faire quoi, en fait, dans cette scène ? Vous êtes en train de charrier Nous sommes en train de chercher, enfin, à l'époque, à ce moment-là, on n'a encore rien que les bâtons sur l'épaule. Mm-hmm. On est en train de chercher la soupe à midi, de midi, voilà. Qui était un récipient de 50 litres pour tout le commando, et qui a été l'occasion d'une promenade assez exceptionnelle que j'ai refaite de nombreuses fois, mais jamais pareil à celle-là, parce que c'était avec Primo et c'était une occasion extraordinaire, et puis une idée comme ça qui a passé la tête, où j'avais demandé qu'il me donne une première leçon d'italien, et il a choisi le chant d'Ulysse. Pour lui, peut-être certainement plus que pour moi, c'était un moment où il a repris conscience, où il a où il s'est retrouvé dans son élément, loin du camp, dans un exercice très spécial. Et je pense que je vais vous lire une partie de ce passage, du passage de ce chant d'Ulysse. Il vous appelait donc Piccolo. Il m'appelait Piccolo parce que c'était le surnom qu'on m'avait donné, surnom parce que j'étais le plus jeune du commando, simplement. Et que dans mes attributions figurait la chance et de pouvoir chercher la soupe et de pouvoir désigner de temps en temps. Mais lui, ça a été un moment seulement, quelquefois après, pour une raison quelconque, on m'obligeait à changer de cavalier, si je puis dire, de compagnon. Donc il cherche, il a trouvé un certain nombre de vers, c'est l'histoire d'Ulysse, et il arrive à un endroit, à un moment qui le passionne particulièrement, et il écrit dans son livre: j'y suis, attention Piccolo, ouvre grand tes oreilles et ton esprit, j'ai besoin que tu comprennes. Je lis en italien maintenant. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza, c'est-à-dire considérez quelle est votre origine, vous n'avez pas été fait pour vivre comme brute, mais pour en suivre et science et vertu. Et Primo continue. Et c'est comme si, moi aussi, j'entendais ces paroles pour la première fois, comme une sonnerie de trompette, comme la voix de Dieu. L'espace d'un instant, j'ai oublié qui je suis et où je suis. Piccolo me prit de répéter. Il est bon, Piccolo, il s'est rendu compte qu'il est en train de me faire du bien. À moins que peut-être il n'y ait autre chose. Peut-être que malgré la traduction plate et le commentaire sommaire et hâtif, il a reçu le message. Il a senti que ses paroles le concernent, qu'elles concernent tous les hommes qui souffrent, et nous en particulier, qu'elles nous concernent nous deux, qui osons nous arrêter à ces choses-là, avec les bâtons de la corvée de soupe sur les épaules. Et il continue, pratiquement il termine par trois autres vers, dont je donne la tradition. Par trois fois dans sa masse, elle la fit tourner, mais à la quarte fois, la poupe se dressa, l'avant s'abîma, comme il plut à quelqu'un. C'était la fin de l'aventure d'Ulysse qui avait dépassé les portes de la Méditerranée pour ce qui n'était pas admis à l'époque et qui est donc puni pour son imprudence ou sa témérité, disons. Et il dit: je retiens Piccolo. Il est absolument nécessaire et urgent qu'il écoute, qu'il comprenne ce « come altrui piacque », c'est-à-dire « comme il plaît à quelqu'un ». Avant qu'il ne soit trop tard. Demain, lui ou moi, nous pouvons être morts, ou ne plus jamais nous revoir. Il faut que je lui dise, que je lui parle du Moyen-Âge, de cet anachronisme si humain, si nécessaire, et pourtant si inattendu, et d'autres choses encore, de quelque chose de gigantesque que je viens d'entrevoir à l'instant seulement, en une fulgurante intuition, et qui contient peut-être l'explication de notre destin, de nos présences ici aujourd'hui. Nous voilà maintenant en train de faire la queue pour la soupe, mêlée à la foule sordide et dégonillée des portes souples des autres commandos. Les derniers arrivés se bousculent derrière nous. Kraut und Rüben, Kraut und Rüben. C'est l'annonce officielle que nous aurons aujourd'hui de la soupe aux choux et aux navets. Cavoli et rapé, capoccia et restrepac, jusqu'à ce que la mer fût sur nous refermée. Page arrachée à Primo Levi, une émission de Jan Kolnikov. Aujourd'hui, Jean Samuel et la voix de Primo Levi. Mixage, Noélie Louis-Marie, Éric Boisset. Réalisation, Jacques Taroni. Si c'est un homme, de Primo Levi. Lors de mon arrivée, fin janvier 1944, il y avait dans ce camp environ 150 juifs italiens. Mais au bout de quelques semaines, on en comptait plus de 600. C'était pour la plupart des familles entières qui avaient été capturées par les fascistes ou les nazis à la suite d'une imprudence ou d'une dénonciation. Un petit nombre d'entre eux s'étaient spontanément constitués prisonniers pour échapper au cauchemar d'une vie errante, par manque de ressources, ou encore pour ne pas se séparer d'un conjoint arrêté, et même, absurdement, pour être en règle avec la loi. Il y avait là en outre une centaine de soldats yougoslaves et quelques autres étrangers considérés comme politiquement suspects. L'arrivée d'un petit détachement de SS aurait dû alerter même les plus optimistes. Mais on réussit, en dépit de tout, à donner à l'événement les interprétations les plus variées, sans en tirer la conclusion pourtant évidente qui s'imposait. De sorte que, contre toute attente, l'annonce de la déportation prit tout le monde au dépourvu. Le 21 au matin, on apprit que les Juifs partiraient le lendemain. Tous, sans exception. Même les enfants, même les vieux, même les malades. Destination inconnue. Ordre de se préparer pour un voyage de 15 jours. Pour tout Juif manquant à l'appel, on en fusillerait 10. Seule une minorité de naïfs et de dupes s'obstina à espérer. Nous avions eu de longues conversations avec les réfugiés polonais et croates, et nous savions ce que signifiait l'ordre de départ. À l'égard des condamnés à mort, la tradition prévoit un cérémonial austère, qui marque bien que toute colère et toute passion sont désormais sans objet, et que l'accomplissement de la justice, n'étant qu'un triste devoir envers la société, peut admettre de la part du bourreau un sentiment de pitié envers la victime. Ainsi évitons aux condamnés tout souci extérieur, il a droit à la solitude, et s'il le désire, à toute espèce de réconfort spirituel. Bref, on fait en sorte qu'il ne sente autour de lui ni haine, ni arbitraire, mais la nécessité et la justice, et le pardon dont s'accompagne la punition. Mais nous n'eûmes rien de tout cela, parce que nous étions trop nombreux et que le temps pressait. Et puis finalement, de quoi aurions-nous dû nous repentir ? Qu'avions-nous à nous faire pardonner ? La nuit vint, et avec elle cette évidence, jamais être humain n'eût dû assister, ni survivre, à la vision de ce que fut cette nuit-là. Tous en eurent conscience. Aucun des gardiens, ni italiens, ni allemands, n'eut le courage de venir voir à quoi s'occupent les hommes quand ils savent qu'ils vont mourir. Chacun prit congé de la vie à sa façon. Certains prièrent, d'autres burent outre mesure, d'autres encore s'abandonnèrent à l'ivresse d'un ultime, inexprimable moment de passion. Mais les mères, elles, mirent tous leurs soins à préparer la nourriture pour le voyage. Elles lavèrent les petits, firent les bagages, et à l'aube les barbelés étaient couverts de linge d'enfants qui séchaient au vent. Et elles n'oublièrent ni les langes, ni les jouets, ni les coussins, ni les mille petites choses qu'elles connaissent si bien et dont les enfants ont toujours besoin. N'en feriez-vous pas autant, vous aussi? Si on devait vous tuer demain avec votre enfant, refuseriez-vous de lui donner à manger aujourd'hui? Gwenaëlle Aubry lisait un extrait de « Si c'est un homme » de Primo Levi.